Je suis avec toi, tu es avec moi. Je voudrais partager ça avec toi, certaines choses. Que tu t'occupes moins de moi et plus de toi. Si j'avais un étang accroché à ma demeure, je nagerais dedans pour y faire de grands mouvements. L'eau serait à la température de l'once, l'atmosphère serait sereine. Je chasserais les poissons moqueurs et dirigerais mon front vers le disque solaire. Je suis avec moi, tu es avec toi. Je voudrais partager des choses simples, comme pouvoir te regarder d'une certaine façon dans le salon, ou encore te voir nu au milieu de l'eau. Si j'avais un étang accroché à ma demeure, j'irais dedans pour lui donner une autre couleur, en harmonie avec le soleil. Si j'avais un étang accroché à ma demeure, j'imaginerais en fermant les yeux le Gange et la célébration de l'eau. Je suis avec moi-même, tu es avec toi-même. Et je voudrais simplement que tu aimes ce poème et qu'il dure éternellement.